Et lorsque vous faites l'appel à la salate, ils la prennent en raillerie et jeu. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point.